Les 43e compétitions sportives nationales des élèves pour le prix Chung Il-bong sont ouvertes le 19 courant. Le service d'inauguration a eu lieu au gymnase de basketball dans la cité de la jeunesse à Pyongyang, en présence des cadres intéressés, permanents de l'Union de la jeunesse, jeunes et enfants. Dans le cadre de ces compétitions prévues du mois de janvier au mois d'août, se disputent les matchs de 17 épreuves, telles que basketball, volleyball, tennis de table, taekwondo, lutte coréenne, natation, patinage de vitesse et autres, dans les villes de Pyongyang, de Pyeongsong, de Sariwon et de Hamun, divisées en secteurs d'école secondaire supérieure, d'école secondaire du premier cycle et d'école primaire. À la suite de la cérémonie, les joueurs de l'école secondaire supérieure de Mundok de l'arrondissement de Daesung et celle de Dudu de l'arrondissement de Sadong ont livré le match de volleyball.